Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. S'il est dans le grand roman de l'espionnage un chapitre fascinant, c'est bien celui des cinq de Cambridge. L'affaire impliquait le gratin de la société britannique. Éclatant au plus chaud de la guerre froide, elle révéla qu'en leur plus haute sphère, les services secrets de Sa Majesté étaient pénétrés par les soviétiques depuis de longues années. La personnalité, la qualité et la destinée de chacun de ses protagonistes confèrent à cet épisode une dimension romanesque digne de ses plus grands auteurs. Ils s'appelaient Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt, John Cairncross et Kim Philby. Mais étaient-ils cinq, seulement cinq? Et ceux-là étaient-ils vraiment tous des agents soviétiques, au même titre, au même degré? Aujourd'hui encore, l'affaire n'a sans doute pas livré tous ses secrets. En 2000, dans la série qu'il consacrait sur France Culture à l'histoire de l'espionnage soviétique, Alexandre Adler revenait sur les rôles qui jouèrent Kim Philby et les autres. À elle seule, les biographies hors du commun de Kim Philby et de son propre père nous racontent un siècle d'une histoire avec laquelle nous sommes encore loin d'en avoir fini. Histoire d'espionnage soviétique, numéros 4 et 5 d'une série de 10, Philby et compagnie, puis fin de Philby, la contre-offensive britannique. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Philby et compagnie. Kim Philby. Kim Philby est presque devenu un nom commun comme ce Guy Fawkes, le traître par excellence au XVIIe siècle qui avait essayé d'assassiner le roi d'Angleterre dans un complot probablement ourdi par l'Espagne et le pape. Oh, Kim Philby n'a assassiné personne, ou presque personne, car il y a quand même eu quelques meurtres qui lui sont imputables, au moins indirectement. Les 50 Albanais anticommunistes parachutés par l'intelligence service derrière Tirana et que la police albanaise, dûment prévenue, avait attendu et abattu les uns après les autres, peuvent toujours s'en prendre à l'origine de la fuite, qui n'est autre que le célèbre espion britannique. De même, un couple russe qui sera rapatrié d'Australie depuis l'ambassade soviétique de Canberra, au moment même où ils allaient faire défection et seront sommairement fusillés de leur arrivée à Moscou, sont des victimes de Kim Philby. Mais c'est évidemment le lot de l'espionnage qui est une guerre comme les autres, peut-être plus cruelle parce que ses combattants sont individualisés, ce qui n'est pas le cas d'un groupe de fantassins qu'un jour une bombe retrouve sous une casemate. Mais en tout cas, Kim Philby n'était pas un assassin, c'était un intellectuel, c'était un homme de réflexion profonde et c'est évidemment l'espion du siècle, dans la mesure où jamais, nulle part, on est arrivé, du moins en apparence, aussi loin que Kim Philby, qui peut-être aurait pu être nommé directeur de l'intelligence service s'il n'avait pas été rattrapé indirectement par des révélations en réalité radioélectroniques qui ont fini par compromettre ses amis les plus proches et ainsi lui-même. Mais même comme cela, Kim Philby, chef du bureau de liaison de l'intelligence service avec la CIA à Washington, apparaissait bien comme le numéro 3 du service de renseignement britannique. Auparavant, il avait dirigé le bureau Espagne de l'intelligence service pendant la Deuxième Guerre mondiale et avait été en charge des principales opérations et négociations avec les services secrets allemands dans tous les pays neutres du continent européen, ce qui n'était pas négligeable. Plus encore, Kim Philby était un homme au charme évident, à la bonne connaissance des services secrets. Sa présence au cœur même du dispositif britannique est un des plus grands succès jamais atteints par l'espionnage soviétique. Mais on retrouve le même drame qu'avec Zorge, qu'avec Hernstadt. Philby était un mal-aimé de l'espionnage soviétique. En réalité, son recrutement à l'intelligence service en 1940, après la débâcle française, avait tellement étonné les soviétiques que, maintenant que les documents ont été ouverts complaisamment par le KGB, nous apprenons qu'une des responsables du contre-espionnage, une paranoïaque dangereuse, qui aura encore l'occasion de s'illustrer pendant les campagnes antisémites de 1952-53, avait élaboré la théorie selon laquelle Philby avait été, depuis son recrutement par les soviétiques, un agent double britannique, et que son entrée dans l'intelligence service n'était évidemment que l'aveu par les Britanniques du rôle qu'il avait joué depuis 1934. Et bien entendu, les informations de premier ordre, à commencer par l'organigramme complet de l'état-major de l'intelligence service qui parvenait à Moscou, n'étaient qu'une intoxication fabuleuse mais subtile des services secrets britanniques dont la véritable raison se révélerait petit à petit. Bien entendu, ce délire a paralysé les soviétiques qui n'ont pas utilisé le matériel qu'ils recevaient pendant 2 ans. Et ce n'est que fin 43 que, finalement, Philby sera mis hors de cause. Il n'avait d'ailleurs aucune idée des soupçons qui pesaient sur lui. Son contrôleur soviétique lui offrira une montre cadeau personnel du maréchal Staline. Il faut dire que Philby, pas plus que ses associés, n'a jamais pris le moindre argent de l'Union soviétique. C'était des idéalistes, sans aucun doute, et des militants. Mais si Philby, qui est le vrai chef du groupe, a si bien réussi, il le doit en fait à une filiation d'espions. Philby porte un prénom d'espion, Kim, célèbre héros de Kipling, et son père, St. John Philby, a été un grand espion britannique. Un grand espion doublé d'un traître. Et c'est là évidemment tout le nœud et la complexité de la biographie de notre homme. Car pour comprendre Kim Philby, il faut déjà comprendre son père. St. John Philby a été un fonctionnaire du service public britannique en Inde. Très vite, ses comportements, notamment sexuels, lui ont valu des blâmes de son administration et on a vite compris que son côté aventurier cadrait mal avec une carrière de fonctionnaire. On l'a donc discrètement dirigé vers les services secrets. Et là, St. John Philby a fait merveille. Il a été, d'une certaine manière, le rival de Lawrence et d'ailleurs l'ami du colonel Lawrence. Pendant que Lawrence organisait la révolte des tribus du Hedjaz contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, Philby, lui, opérait en Perse et en Irak, dans d'autres confins, et avec un succès tout aussi grand, déguisé en arabe, pieds nus, sale, pénétrant dans les bazars, il a finalement réussi à éliminer les agents allemands qui pullulaient dans la région du sud-ouest de l'Iran, où il menaçait directement les investissements pétroliers de la Grande-Bretagne. Et tout ceci aurait dû lui valoir une carrière brillante dans l'intelligence service si, de nouveau, il ne s'était brouillé avec ses patrons et engagé, par conséquent, dans des opérations qui ne faisaient pas l'affaire de Londres. Philby, en effet, claque la porte des services secrets et devient l'ami, à la vie et à la mort, d'Ibn Saoud, le chef de la secte wahhabite du Nejd, la région la plus secrète de l'Arabie, où se déclenche une révolte précisément contre les hachémites protégés par les Britanniques. On connaît la suite, Ibn Saoud s'empare de la Mecque, devient le roi de l'ensemble de la péninsule arabique, qui désormais baptisé Arabie Saoudite, devient un état avec lequel les Britanniques doivent compter. St. John Philby est son conseiller le plus proche, et il est plus ou moins réintégré, pour ainsi dire, de manière officieuse dans l'intelligence service. Il passera sa vie ultérieure à faire les allers et des retours entre Ibn Saoud, les Américains, les Britanniques, en ne servant que lui-même et tout de même un certain nombre de mauvaises causes. Car St. John Philby, comme Ibn Saoud d'ailleurs, est un antisémite fanatique et il est convaincu dès l'accès au pouvoir de Hitler que celui-ci représente la solution. Ce n'est pas encore la solution finale, ça le deviendra, mais la solution pour le Moyen-Orient et pour l'Europe. Kim Philby est le fils de cet homme, c'est-à-dire qu'il est à la fois fasciné et horrifié, car Philby avait abandonné rapidement sa mère, par ce père plus grand que nature, et une grande partie de la psychologie de Kim Philby s'explique très bien par cette filiation. Kim Philby est un espion comme son père, Philby s'oppose aux intérêts britanniques comme son père, mais il est exactement engagé en sens inverse. St. John Philby est un ennemi des Juifs. Philby épousera une jeune juive autrichienne lors de sa première mission où il est envoyé par le Comintern à Vienne pour secourir des militants pourchassés après l'insurrection socialiste de 1934. Philby est également un adversaire de la politique britannique, mais au lieu d'admirer l'Allemagne nazie comme son père, il la combattra de toutes ses forces et voudra rejoindre le camp soviétique. Mais évidemment, fils d'espion, fasciné par l'espionnage, il est d'emblée volontaire pour quitter le Parti communiste britannique dont il avait été un militant actif à Cambridge et rejoindre le monde de la clandestinité. Eh bien, que fait-il ? Il se venge de son père, car sa première affectation, correspondant de guerre du quotidien britannique conservateur Le Times auprès de Franco, est un moyen pour lui de poignarder l'establishment britannique et de désavouer tous ceux qui misent sur la victoire des fascismes. Il faut bien le savoir, dans les années 30, tout l'establishment britannique, Churchill compris, a choisi Franco contre la République espagnole. C'est la raison pour laquelle les articles dithyrambiques que le jeune Philby écrit à la gloire de Franco, qui le décorera d'ailleurs à Tolède pour son courage au feu, car correspondant de guerre, il accompagne les franquistes au combat, font de Philby un personnage acceptable pour l'establishment. Plus il est accepté, plus il rejette cet establishment. Il renseigne le mieux du mieux qu'il le peut le service de renseignement soviétique et les républicains espagnols sur l'avance de leurs ennemis. Lorsqu'il revient en Angleterre, nous sommes à la fin de 1939, il est déjà un espion confirmé, chevronné. En réalité, les soviétiques ont d'abord et avant tout eu un plan de pénétration des rédactions des grands journaux européens. Et Philby, dans l'esprit de ses contrôleurs, avait été formé pour devenir un jour chef du service étranger du Times, voire peut-être directeur du Times. Mais on ne le voyait pas aller beaucoup plus loin. Par ailleurs, Philby, par sa personnalité charismatique, avait entraîné avec lui un certain nombre d'amis de Cambridge, formant ainsi un groupe homogène. Qui sont ses amis ? Eh bien, on les connaît au fur et à mesure de leurs arrestations, pour ainsi dire. Le premier, c'est le fils d'un lord écossais, Donald MacLean, camarade d'études de Philby. Ils se fâcheront définitivement à Moscou lorsque Philby sera devenu l'amant de sa femme, pauvre Donald MacLean. Donald MacLean est un presbytérien écossais, ascète, un chrétien socialiste convaincu, qui a accompagné des marches de chômeurs, qui veut faire quelque chose pour les pauvres, qui est plein de culpabilité sociale. C'est aussi l'intellectuel le plus brillant du groupe. Lui passe le concours d'entrée au Foreign Office et devient diplomate, mais diplomate de carrière, de Sa Majesté. Il sera, jusqu'à sa mort, d'ailleurs, un analyste écouté du ministère des Affaires étrangères soviétique à Moscou. Le troisième personnage, le plus haut en couleur, le plus amusant, Graham Greene en a tracé un portrait, il s'agit de Guy Burgess. Guy Burgess est évidemment un vaurien, un esthète, Le véritable continuateur d'Oscar Wilde. Notons-le tout de suite, il est le seul homosexuel déclaré du groupe. Il est possible que Philby et que MacLean aient eu, dans leur jeunesse, dans les public schools anglaises, quelques expériences. Il n'est pas du tout impossible qu'ils aient été bisexuels, que St. John Philby, le père de Philby, était bisexuel. Et on l'a soupçonné d'avoir été l'amant d'Ibn Saoud. Mais rien n'indique qu'à l'âge adulte, Kim Philby ou Donald MacLean ait été particulièrement adonné à l'homosexualité. Aussi, la légende qui fait des espions britanniques un groupe solidement forgé par l'homosexualité est absolument ridicule. Il y a deux homosexuels et deux seulement dans le groupe, Burgess et Blunt. Ils ne s'aimaient pas particulièrement. Burgess était incontestablement un homosexuel flamboyant, un séducteur et surtout l'ornement de toutes les surprises parties de toutes les activités mondaines londoniennes possibles et imaginables. C'était également un antifasciste convaincu et il semble qu'il avait déjà travaillé par simple idéalisme pour des organisations juives pour repérer des militants fascistes et des campagnes racistes qui pouvaient avoir lieu en Angleterre et les liens éventuels que ces groupes pouvaient entretenir avec l'Allemagne nazie. Il est recruté au début de la guerre à l'intelligence service et c'est lui qui accueillera Philby dans ses locaux. Le dernier, Anthony Blunt, est un personnage d'une toute autre envergure. Anthony Blunt est un des plus grands intellectuels de sa génération, certainement un des plus brillants historiens d'art de tous les temps, et il sera, après la guerre, le conservateur des collections royales à Buckingham Palace. Cet intellectuel raffiné, un peu plus âgé que les autres, a longtemps été considéré comme l'agent recruteur du reste du groupe. Il semble que l'âge n'ait rien fait à la chose et qu'en réalité, le véritable recruteur ait été Philby, c'est du moins ce que les soviétiques affirment aujourd'hui, on n'est pas obligé de les croire, et que Blunt ait rejoint le reste du groupe un peu plus tard, mais avec un ascendant intellectuel très grand. Qu'est-ce qui pousse Blunt, finalement, à l'espionnage pour l'Union soviétique? Sans doute ce mélange de snobisme et de révolte qui le caractérise depuis son plus jeune âge. Son père avait été chapelain anglican, proche de la fille de la reine Victoria, Et Blunt a toujours eu une dévotion particulière pour la famille royale. Celle-ci, d'ailleurs, n'aura qu'à se féliciter de son engagement en 1945, comme nous allons le voir. Mais Blunt, en même temps, est révolté par la propriété privée des œuvres d'art, son désir de mettre l'art à la portée de l'ensemble du peuple, sa culpabilité sociale aussi, en font un homme réceptif aux diverses doctrines socialistes et même communistes. Son goût de la clandestinité, sa honte d'être homosexuel, l'ont peut-être aussi rompu aux techniques de la plongée en profondeur et vont en tout cas s'avérer extrêmement efficaces lorsque, volontaire pour être recruté dans les services secrets, il accède à l'autre organisme britannique de renseignement, le MI5, c'est-à-dire le contre-espionnage, en 1940. Voici donc nos quatre hommes insérés au cœur de l'appareil de défense britannique pendant la guerre, Philby et Burgess à l'intelligence service, Blunt au MI5, le service de sécurité, comme on l'appelle, et MacLean au Foreign Office, au ministère des Affaires étrangères. Il semble bien que, sur ce plan, les espérances des soviétiques aient été plus que comblées. Ils n'auraient jamais attendu une telle récolte. Et la récolte va être effectivement particulièrement féconde, puisque, par exemple, lors de l'arrivée de Rudolf Hess en Angleterre, qui n'était pas attendu et qui venait proposer une sorte de paix des braves aux Anglais à la veille de l'invasion de l'Union soviétique, Blunt va parvenir à envoyer le compte-rendu intégral de l'ensemble des interrogatoires réalisés par le MI5, son service, de Rudolf Hess. Les soviétiques s'en serviront habilement, d'ailleurs, par la suite. D'autres documents, ceux de la bataille de Koursk, que les Anglais avaient fait parvenir aux soviétiques par des voies détournées, vont également être corroborés, cette fois-ci par Blunt et son ami John Cairncross, le traducteur en anglais de Racine, qui, comme Blunt, avait été recruté au service de sécurité, le MI5. Philby, bien entendu, on l'a vu, a donné l'ensemble des documents de l'intelligence service de manière très régulière à l'ambassade soviétique. Quant à MacLean, il a fait parvenir, par exemple, une pré-rédaction de la Charte de l'Atlantique à Moscou et le contenu de nombreuses négociations anglo-américaines tout au long de la guerre, ce qui permettait à Staline, aussi bien à Téhéran qu'à Yalta, d'être préparé comme un ministre de Sa Majesté lorsqu'il se préparait à des conversations avec Churchill. Ce n'est pas absolument décisif, on le voit, la guerre n'a pas tenu à l'espionnage des cinq de Cambridge, mais en tout cas, il a apporté un dommage certain à la cause alliée et renforcé systématiquement la main des soviétiques tout en étant un élément extrêmement spectaculaire. Spectaculaire l'espionnage donc des cinq de Cambridge. Je viens de mentionner le cinquième, John Cairncross, dont le nom n'est apparu que très tardivement. Non moins spectaculaire, les tentatives qui vont être faites à partir de 1945-46 pour les débusquer. Ici, l'histoire comporte ses hasards. Le principal défecteur soviétique parvenu en Occident en 1939, Walter Krivitsky, qui fut chef de renseignement militaire soviétique en Occident et qui passait en demandant l'exil politique en France en raison des purges qui avaient lieu à l'époque à Moscou. Walter Krivitsky, donc, déclare à ses interrogateurs français en 1939 que l'espionnage soviétique dispose d'un jeune Britannique de bonne famille qui est actuellement journaliste au Times. Avec quelques regroupements, il n'aurait pas été difficile, au vu de cet interrogatoire, de retrouver Philby. Malheureusement, les services secrets français n'ont pas passé cet interrogatoire à leurs collègues britanniques, et ceux-ci n'ont pas donné suite, par négligence, comme cela arrive, de sorte que Philby a pu continuer ainsi sa carrière. Par la suite, Krivitsky sera assassiné par les services soviétiques dans sa chambre d'hôtel à Washington en 1940, et désormais, cette source d'identification sera fermée. Si Philby a été recruté, c'est en 1940 lui aussi, alors qu'il était correspondant de guerre en France. Il se trouvait dans un train évacué comme correspondant de guerre avec le personnel de l'ambassade britannique, et il vidait une bouteille de champagne nostalgique avec une jeune femme très belle, d'une famille aristocratique, et celle-ci lui avait demandé ce qu'il comptait faire lorsqu'ils arriveraient à Londres. Philby disait « Je veux rejoindre un régiment pour continuer à combattre », sans doute était-il sincère. Il lui dit « Mais non, un homme de votre qualité ne devrait pas faire cela, nous verrons bien ». Et puis, quelques semaines plus tard, il est convoqué à l'intelligence service pour un interrogatoire de recrutement. Et bien entendu, il le passe brillamment. Il va tout de suite voir son ami Burgess dans son bureau. Et à ce moment-là, la jeune femme passe sa tête par la porte et dit « Ah, vous avez vu, je vous l'avais bien dit ». Voilà comment Philby devint effectivement l'espion numéro un. Mais même si des soupçons existent, finalement, rien n'est fait. La réalité de cette Angleterre de l'après-guerre, pas très fière de ses sympathies pour l'Allemagne nazie avant-guerre, pas très fière du rôle de ses services secrets, profondément angoissée par la perte de l'Empire, c'est tout ce que raconte John le Carré dans ses romans, avait une sorte d'incapacité métaphysique ou anthropologique à repérer les traîtres chez elle. Cela ne lui plaisait pas, elle ne voulait pas laver son linge sale. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il ait eu une volonté délibérée de masquer ce genre de choses qui, à l'évidence, est de nature à compromettre toute l'activité d'un service de renseignement. Donc en réalité, on peut plutôt mettre la continuation de l'activité de Philby, de MacLean et de Burgess sur le compte de la négligence et de l'impéritie. Je viens d'oublier de citer Blunt et Cairncross, c'est qu'en effet, en 1945, déjà, lorsque l'espionnage change de nature, le nazisme a été vaincu, un certain nombre de ses représentants ne supportent plus la tension nerveuse et probablement morale que ceci implique. Et Blunt demande à ses contrôleurs soviétiques d'être relevé de son travail. On lui avait proposé de rester au MI5, il le refuse, il retrouve sa chaire universitaire et ses collections. Et chose extraordinaire, les soviétiques acceptent. Cairncross aussi va devenir fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères et n'a plus d'activité d'espionnage importante. Pourquoi les soviétiques acceptent-ils que des espions aussi vitaux en apparence puissent se retirer? La réponse, les services secrets britanniques l'ont trouvée depuis belle lurette, c'est que s'ils pouvaient se permettre de faire partir Blunt du MI5, ainsi que Cairncross, c'est qu'ils avaient d'autres espions dans le MI5. Et ici naît toute une chasse à la taupe qui va continuer et démoraliser profondément les services secrets britanniques. Blunt, qui avait donc la tolérance de ses amis soviétiques, avait aussi acquis à jamais la reconnaissance de la famille royale britannique. Et ici, nous touchons à ce qu'il faut bien appeler la trahison du duc de Windsor, l'éphémère roi Édouard VIII, contraint à l'abdication en 1937. Après cette abdication, en effet, Édouard VIII avait continué à faire de la politique en entretenant des liens assez étroits avec Berlin et notamment avec son cousin Philippe de Hesse, qui était le seul membre de la famille impériale allemande, c'était un neveu du Kaiser, à avoir adhéré au parti nazi avant 1933 et avoir même joui, si j'ose dire, du titre de Gauleiter. Édouard et Philippe s'aimaient d'amour tendre et ont échangé une abondante correspondance qui se trouvait dans le château de Philippe de Hesse au-dessus de Francfort, qui était occupé en 1945 par des militaires américains. Blunt, muni d'un sauf-conduit du MI5, arrive avec un camion de soldats britanniques à Francfort. Il déboule dans le château d'un air très dégagé, monte, comme on lui avait indiqué, à la chambre du haut, ouvre une armoire, trouve la correspondance, empoche celle-ci, repart dans la journée et la remet le lendemain à Buckingham Palace où elle a été dûment brûlée. Disons les choses comme elles sont. Si les Anglais avaient eu connaissance des actions de trahison pure et simple du duc de Windsor, pendant les années 1938-1945, il est certain que la monarchie aurait été ébranlée, peut-être pas gravement comme elle l'a été en Belgique, mais suffisamment en tout cas pour embarrasser de manière prolongée son frère George VI et toute l'image de patriotisme ardent que la monarchie projetait à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, dans le climat de l'époque, l'action d'Anthony Blunt, dont il informera dûment ses contrôleurs soviétiques, a aussi été une action de sauvetage de la monarchie. C'est ainsi, la monarchie britannique a été sauvée par un espion soviétique. Et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, lorsque Blunt sera reconnu comme un des espions, après Philby, tout sera fait pour cacher cette terrible vérité au peuple britannique. Il faudra attendre Margaret Thatcher, mise au courant de la réalité de la trahison de Blunt, Margaret Thatcher, dont les convictions républicaines latentes ont toujours été fortes, dont le mépris pour la famille royale éclatait de temps à autre, pour que le nom de Blunt, alors qu'il est déjà un vieillard marqué par les ans et les épreuves, soit jeté en pâture à l'opinion. Blunt vivra dans le déshonneur, la dégradation civique, les quatre dernières années qu'il lui reste à vivre. Il peut remercier Margaret Thatcher, mais grâce à cette franchise tardive, nous commençons à mieux comprendre l'univers des cinq de Cambridge. C'était « Histoire d'espionnage soviétique » par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Histoire d'espionnage soviétique par Alexandre Adler. Fin de Philby la contre-offensive britannique. L'arrestation de Philby et de ses proches a une cause, et une cause unique, qui est largement sous-estimée dans l'histoire d'espionnage, une percée technologique sans précédent. Ou plus exactement, une percée technologique favorisée par le hasard et la saisie d'un double par les services de renseignement britanniques dans un bateau marchand soviétique qui travaillait pour le KGB en Norvège. Grâce à ce double, en effet, les services de renseignement britanniques et américains vont enfin pouvoir comprendre comment était organisé le codage des messages soviétiques. Ce code va prendre un nom qui sera pendant très longtemps ultra secret, Venona. Le code Venona, dont les soviétiques ne se rendront compte que 3 ans plus tard, après sa mise en élaboration, qu'il permettait de lire tous leurs messages, a été donc la pierre de Rosette du contre-espionnage occidental. À partir du déchiffrement de Venona, en effet, l'ensemble des messages soviétiques sont lus, ceci pendant 3 ans, mais aussi rétrospectivement, d'immenses archives qui avaient été consignées par les Britanniques et les Américains, c'est-à-dire tout le trafic radio codé des ambassades soviétiques, qui avait été donc emmagasiné sans qu'on puisse en faire quoi que ce soit, devient lisible, exactement comme la découverte des bilingues en égyptologie, en assyriologie, a tout d'un coup permis de se reporter vers des monuments, des stèles qu'on connaissait bien et qui restaient muets jusqu'alors. Et donc, on commence à déchiffrer, non sans mal, des messages remontant à 1936, 1937. Et c'est ainsi que petit à petit, malgré le second codage, on ne parle jamais en clair d'un espion dans les codes Venona, ils ont toujours des pseudonymes, on arrive par recoupement à identifier un certain nombre de fuites. Cela faisait longtemps qu'on avait des soupçons sur les services de renseignement britanniques et le ministère des Affaires étrangères. En fait, le nom de Donald McLean est lu pratiquement en clair dans un message Venona. On voit qu'il y a un informateur des services de renseignement soviétiques, qui est un haut fonctionnaire du Foreign Office. Comme ces informations varient selon les bureaux où il se trouve, c'est une affaire de quelques semaines pour que McLean soit identifié. Et à partir de là, McLean, qui est en poste à Washington, où il est toujours le meilleur ami de Philby, commence à être suivi régulièrement par le FBI et par des équipes du contre-espionnage britannique. Comme elles ne sont pas très habiles, McLean se rend compte effectivement qu'il est suivi et demande à ses contrôleurs soviétiques de le protéger. Il commence même probablement un petit peu à paniquer. Il se rend donc en permission en Grande-Bretagne. Les filatures ne sont pas aussi efficaces peut-être qu'elles auraient dû l'être. Et ici, on soupçonne d'autres espions au MI5 d'avoir favorisé la fuite de McLean. En tout cas, celui-ci, à ce moment-là, réussit avec l'aide des services soviétiques en Grande-Bretagne à s'embarquer sur un ferryboat. Il disparaît en France et il ne réapparaît qu'à Moscou. Nous sommes en 1951, au cœur de la guerre froide. Il a emmené dans ses bagages son ami Guy Burgess, qui lui était membre de l'intelligence service et qui a véritablement, lui, cela ne fait aucun doute, perdu les pédales. En effet, le départ de McLean, Burgess est persuadé qu'il va être découvert, ce qui n'était nullement le cas. Et donc, il demande instamment à son contrôleur de pouvoir fuir lui aussi avec McLean. Il va arriver à Moscou. Là, le puritanisme soviétique ne va pas faire bon ménage avec Burgess et celui-ci va donc mener une vie d'alcoolique et de fêtard plutôt lamentable à Moscou jusqu'à ce qu'il s'éteigne d'une cirrhose du foie, non sans avoir essayé d'envoyer sa cotisation à l'Association britannique pour le secours en mer qui lui sera renvoyée à sa résidence moscovite. McLean, lui, sera intégré à l'Institut des Relations Internationales où il va familiariser des générations d'espions soviétiques avec la politique britannique. Il écrit un grand classique soviétique sur la politique britannique depuis Suez, qui sera publié en Angleterre avec un certain succès. Il devient, en fait, dans l'amertume et la tristesse, un petit fonctionnaire du KGB soviétique. Exit McLean et Burgess. À partir de là, on aurait pu imaginer, en effet, que l'arrestation des autres ne soit qu'une affaire de quelques jours. Eh bien, ce ne sera pas le cas grâce au sang-froid de Kim Philby. Celui-ci, en effet, loin de perdre la tête, et c'est là où on voit l'espion professionnel, fils d'espion, qui ne se laisse pas impressionner, même par des situations apparemment épouvantables, Kim Philby reste à son poste. Tellement que le doute commence à s'insinuer. On lui dit « Vous étiez le meilleur ami de Burgess, vous avez habité chez McLean, vous êtes vu à tout moment, vous étiez ensemble à Cambridge, on découvre qu'il avait quand même des idées communistes à Cambridge. » À tout cela, Philby répond « Mais en effet, mais comment imaginer que je sois un espion dans ces conditions? Je ne suis jamais caché d'avoir été communiste, j'ai ensuite changé d'idée. J'ai été effectivement leurs amis, mais j'ai été aveuglé, comme vous-même, sur leur véritable identité, leurs véritables affiliations. » Bref, Philby se défend si bien que la situation devient intenable. Les Américains sont persuadés que Philby est un espion et demandent son arrestation. Et ses collègues de l'intelligence service, par solidarité, ne veulent pas croire à sa culpabilité. Harold Macmillan, le nouveau Premier ministre, après une enquête approfondie, a décidé que pour le moral de l'intelligence service, il valait mieux que Philby fût innocent. On fait donc une cote mal taillée, Philby est mis à la retraite d'office et il n'aura même pas droit à une pension, comme ses états de service lui permettaient d'espérer. Mais en même temps, il est lavé des accusations portées contre lui, on ne retient que le manque de vigilance. Il va commencer une seconde carrière comme correspondant des grands journaux anglais, The Economist et L'Observer. À Beyrouth, il retrouve, aussi curieux que cela soit, le vieux terrain arabe de son père, et d'ailleurs il rencontre son père à cette occasion. Le voilà ainsi recasé. De Blunt, évidemment, il n'est pas question. C'est ici que la deuxième affaire Philby se déclenche et est là pour théâtre le Moyen-Orient et les nouvelles convictions de Philby. En effet, en 1956, la Grande-Bretagne, dans un dernier sursaut avec la France, s'efforce de renverser Nasser, c'est l'expédition de Suez, avec les suites catastrophiques que l'on sait, l'ultimatum américain, le rembarquement piteux des Françaises et des Britanniques, le triomphe de Nasser. Philby, correspondant à Beyrouth, suit évidemment toute cette affaire de près, et là, il s'enflamme évidemment pour Nasser et dénonce les sottises, à ses yeux, de la politique britannique, l'effondrement de ses positions au Moyen-Orient. Il a des accents extrêmement pro-arabes. Sont-ils ces accents sincères? Sont-ils le résultat de son adhésion à la nouvelle politique soviétique dans le monde arabe? Sont-ils le résultat, peut-être la véritable hypothèse, du fait qu'il a renoué avec son père, qui, bien entendu, depuis Riyad, où il reste le conseiller écouté d'Ibn Saoud, est un dénonciateur constant de cette absurde politique franco-anglaise au Moyen-Orient? Le résultat, c'est que ces dépêches sont lues et donnent le sentiment à un certain nombre de ses amis qu'il est maintenant devenu aussi antisémite que son père. Et c'est ici que les Athéniens s'atteignent. À une réunion de l'Association d'amitié anglo-israélienne, Lord Victor Rothschild, un des plus vieux amis de Guy Burgess, et de Kim Philby, s'entretient des articles de Philby avec une de ses grandes amies, Flora Solomon, qui n'est autre que la présidente directrice générale d'un des grands magasins britanniques. Flora Solomon et Lord Victor Rothschild, héritiers du nom de la famille de banque, sont l'un et l'autre des juifs britanniques profondément attachés à Israël, mais ce sont l'un et l'autre des personnalités de gauche qui ont connu ce milieu de Cambridge et ont été intimes de Kim Philby. Et là, Flora Solomon raconte à Lord Victor Rothschild, du moins son récit, que lorsque elle était une jeune fille, jeune femme, et qu'elle connaissait bien Philby, avec qui elle prenait le thé à Londres, peu après les années de Cambridge, celui-ci s'amusait, en parlant de telle ou telle personnalité, à dire « Tiens, est-ce qu'il serait une bonne recrue pour Moscou ou est-ce qu'il serait une mauvaise recrue ?» Bref, elle déclare purement et simplement à Lord Victor Rothschild qu'elle savait que Philby était un espion soviétique et qu'il cherchait à recruter des sympathisants de la cause soviétique. Propos peut-être anodin, peut-être monté en épingle, en tout cas Lord Victor Rothschild, qui lui aussi a été un officier du MI5, du contre-espionnage, pendant la guerre. Il a même gagné une médaille en désamorçant un cigare piégé qui avait été offert à Churchill. Lord Victor Rothschild va s'ouvrir des révélations de Flora Solomon à un officier du MI5, Peter Wright. Et à partir de là, l'enquête repart. Évidemment, ce recoupement laisse plutôt penser que Philby était coupable. On lui envoie un de ses vieux amis de l'intelligence service pour discuter avec lui, avec un magnétophone. L'entretien avec les nouvelles questions a lieu sur la terrasse de l'appartement de Philby à Beyrouth, nous sommes en 1958. Et à l'issue de cette première discussion, Philby a tiré la conclusion que cette fois-ci, les choses devenaient très sérieuses. Il alerte ses amis soviétiques et il est évacué de Beyrouth par la Syrie très rapidement, en quelques jours. Il arrive à Moscou cette fois-ci. Il n'est plus possible de se dissimuler l'ampleur de la pénétration des services britanniques. Philby, lui aussi, était une taupe. Et c'est à partir de là, évidemment, que commencent les suspicions les plus grandes. L'interrogatoire d'Anthony Blunt a lieu et bientôt, on apprend que le groupe lui-même s'était désigné du nom de groupe des cinq, du nom d'une nouvelle d'un écrivain révolutionnaire soviétique qui s'appelait Ernest Henry, qui racontait la vie de cinq partisans bolcheviques dans la clandestinité, de cinq révolutionnaires allemands. Et en fait, cette idée des cinq leur est donnée par un de leurs premiers officiers traitants. Et c'est un peu dans cette idée d'une fraternité révolutionnaire que ce groupe s'est constitué. Or, Burgess et McLean sont partis à Moscou, Philby les a rejoints, ça fait trois. Blunt finit par avouer et va obtenir l'immunité contre de faux aveux, ça fait quatre. Le mystère du cinquième homme est entier. Et c'est la recherche de ce cinquième homme qui va faire couler énormément d'encre en Grande-Bretagne, créant une véritable paranoïa dans une partie des services secrets britanniques, eux-mêmes alimentés par les inquiétudes de leurs amis américains qui se trouvent confrontés à des phénomènes un peu de même nature. Qui est le cinquième homme? C'est cette question obsédante qui ne va pas cesser dès lors de remuer énormément d'eau et de feu en Grande-Bretagne. Au milieu des années 80, dans une période où le KGB commence à communiquer avec l'extérieur, on apprend que finalement, ce cinquième homme serait purement et simplement John Cairncross. La recrue n'est pas négligeable. John Cairncross vient d'une bonne famille écossaise comme Donald MacLean. Il était très lié à MacLean à Cambridge. C'est un érudit comme Anthony Blunt. Lui, c'est un spécialiste de littérature française. Et nombreux sont les écoliers et les étudiants anglais qui ont lu Racine ainsi que Blaise Pascal dans l'admirable traduction qu'en a faite John Cairncross, qui est un francisant. Cairncross a travaillé donc au MI5 avec Blunt, puis ensuite aux affaires étrangères. Mais Cairncross n'est pas un inconnu des services britanniques. Au fur et à mesure que l'enquête Philby remontait, il a été trouvé, il a été entendu. On a bien vu que son passé au Parti communiste en faisait un bon candidat pour l'espionnage. Et le MI5 s'est persuadé qu'il avait effectivement été un espion, mais Cairncross est parvenu à les persuader qu'il avait été à un niveau très faible. De sorte qu'au lieu d'être arrêté, on l'a laissé partir en France, où il s'est réfugié et demeuré jusqu'à la fin de sa vie en faisant ses chères traductions d'auteurs français du XVIIe siècle. Et donc, jusque-là, les services secrets britanniques avaient estimé que Cairncross n'était pas le cinquième homme, mais plutôt un comparse, une espèce de complice de la périphérie du groupe des cinq. En réévaluant les fuites réalisées par Cairncross lors de son passage au MI5, un certain nombre d'enquêteurs ont fini dans les années 80 par arriver à la conviction. Mais était-ce bien leur conviction, ou une conviction arrangée, que Cairncross bouclait la boucle? Et les Soviétiques à leur tour, les Russes aujourd'hui, confirment, notamment par la voix du principal officier traitant des années 50 du groupe des cinq, le colonel Modin, qui a écrit ses mémoires à Moscou, Conan Molody, que Cairncross était bien le cinquième homme. Seulement, les Russes ont peut-être aussi intérêt à dissimuler une partie de la vérité. Par exemple, la question de Cairncross bouclerait en partie le problème du service de sécurité du MI5. Cairncross est resté un petit peu plus longtemps que Blunt, et ceci expliquerait que Blunt ait obtenu son congé. À moins que, il y en ait eu d'autres. La sœur d'un des grands historiens marxistes d'Allemagne de l'Est, Ruth Kuczynski, a travaillé sous une fausse identité pour le service de renseignement militaire de l'armée rouge en Angleterre pendant toute la guerre. Et elle avait loué une petite maison qui était très proche de l'état-major des écoutes britanniques, là où on déchiffrait les codes allemands notamment. Elle est restée en Angleterre jusqu'à ce qu'elle soit identifiée par le MI5 en 1949. Et depuis, elle vit en exil, ou plutôt elle vit chez elle en Allemagne de l'Est, où elle a fini par publier des mémoires. L'idée que Ruth Kuczynski était le courrier d'un certain nombre de gens qui appartenaient au service secret britannique s'est ancrée. Bref, l'identification de Cairncross reste douteuse. Et comme Cairncross, bien que son frère ait été un grand ami de Keynes, un haut fonctionnaire britannique particulièrement estimé et un rédacteur de The Economist par la suite, on le voit plutôt comme un peu du menu fretin. Il y a aussi un scientifique de Cambridge, Watson, qui travaillait au laboratoire de recherche de la marine, qui a travaillé pour les services soviétiques. Lui aussi est identifié. Donc, on voit bien que le chiffre de 5 n'est pas le chiffre grand de tous les espions. Il devait en avoir plutôt 10, 12 ou 15. Mais qu'il représente le noyau originel. Et donc, les hypothèses les plus aventurées ont été formulées sur l'identité de ce cinquième homme. Je vous en donne deux pour vous édifier. La première est évidemment la plus merveilleuse. C'est un jeune philosophe australien qui s'appelle Kimberly Cornish qui la formule. Il voit dans le philosophe allemand Ludwig, autrichien plutôt, austro-anglais, faudrait-il dire Ludwig Wittgenstein, qui est le véritable père de toute la philosophie analytique contemporaine, le cinquième homme. À l'appui de sa thèse, les sympathies pro-soviétiques connues de Wittgenstein, mais aussi le rôle qu'il a joué comme gourou un petit peu de tous ses étudiants de Cambridge, son amitié pour Maurice Dobbs, le professeur d'économie communiste dont on sait qu'il a fait de Philby et de Blunt des militants communistes. Bref, avec Wittgenstein, nous aurions un cinquième homme intellectuel qui aurait été placé à Cambridge au centre d'une toile d'où il recrutait les élites britanniques. Alors, le roman est merveilleux, parce qu'il fait finalement d'un grand philosophe le principal auteur de cette histoire d'espionnage rocambolesque et romanesque à l'envi. Il ne tient pas tout à fait. D'abord, Ludwig Wittgenstein était un homme timide, c'était un homme profondément bavard, et le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport à Blunt, qui a toujours été d'une prudence de chat, Wittgenstein était d'une très grande imprudence. Comment expliquer qu'un espion de cette importance ait fait une demande officielle pour s'installer en Union soviétique en 1938, et qui lui fut d'ailleurs fort heureusement pour sa santé refusé. De tels comportements, des déclarations à l'emporte-pièce favorables à l'Union soviétique de la part de Wittgenstein, et son engagement auprès de ses étudiants pour que ceux-ci aillent en Espagne. Il est à l'origine de l'engagement de Maurice Cornforth, le plus brillant philosophe de sa génération qui est mort devant Madrid. Tout cela fait plutôt penser à un militant et un militant maladroit, de surcroît n'ayant jamais professé de véritables convictions marxistes. Que Wittgenstein ait fait partie du cercle extérieur des amis du communisme à Cambridge, que sa biographie éclaire d'une certaine façon celle de ses amis, c'est certain. Faire de Wittgenstein un agent subversif, c'est une thèse amusante, mais qui ne passe pas la route. Beaucoup plus convaincante est la première partie du livre de Timothy Cornish, dans lequel celui-ci identifie Wittgenstein comme le condisciple d'Adolf Hitler au lycée de Linz, et les premiers propos de Hitler sur les Juifs qu'il a connus en classe et qu'il détestait, comme la haine active qu'il éprouvait pour Wittgenstein. Comme cette haine est sans borne pour Wittgenstein et partagée par l'auteur, Timothy Cornish, on a le sentiment qu'il a un peu chargé la barque. Mais Cornish nous amène en fait à la seconde hypothèse, beaucoup plus vertigineuse. En effet, étant donné que Anthony Blunt faisait partie d'une société secrète de Cambridge qui existe depuis 2 siècles, qui s'appelle la Société des Apôtres, que le recrutement s'est effectué à une date donnée et qu'il est question en fait de la Société des Apôtres comme le principal lieu réceptacle du recrutement des premiers espions du groupe des 5, Cornish prend la liste de tout ceci, telle qu'elle est maintenant disponible, et procède par élimination successive. Et il ne retient que 2 personnes, Wittgenstein et Lord Victor Rothschild. Lord Victor Rothschild est évidemment éliminé, puisque c'est lui qui a dénoncé Philby au MI5. Mais a-t-on raison de l'éliminer entièrement? En effet, Lord Victor Rothschild a toujours été un excentrique. Héritier de la famille et de la banque, il s'est tout entier consacré à la science, c'était un biologiste hors de pair, il a eu une carrière à la fois universitaire et politique, c'était un homme de gauche, mais proche d'Edward Heath. Il a été appelé par celui-ci à la tête de ce qu'on appelait le think tank, c'est-à-dire un vrai centre de réflexion du gouvernement conservateur en 1970. C'était aussi donc un héros de guerre, il avait reçu la médaille la George Cross, une grande médaille britannique, pour son activité au MI5, et un partisan avéré d'Israël, pour lequel il s'est engagé dès la libération en 1945. Seulement voilà. Lord Victor Rothschild était un homme de gauche, c'était le meilleur ami de Guy Burgess. Burgess a vécu chez lui une partie des années 30. C'était un grand ami de Philby, personne ne le nie. Et c'était un anticonformiste qui avait des comptes à régler avec l'establishment britannique. Deuxièmement, la désignation de Philby comme espion s'est accompagnée de l'évacuation rapide de Philby dès l'arrivée de l'interrogateur de l'intelligence service. Troisièmement, Victor Rothschild était capable parfaitement, étant donné sa position, de faire chanter ses anciens amis soviétiques, comme il pouvait lui-même se débrouiller pour créer un nuage de fumée. Et ici, un livre australien qui est particulièrement acéré dans l'accusation, un autre Australien, il faut croire que les Australiens sont particulièrement intéressés par les problèmes britanniques, suppose que Victor Rothschild a en fait manipulé Peter Wright, lequel écrira un livre banni par Madame Thatcher, de manière à détourner le champ des investigations de sa personne à celle de Philby et peut-être même à celle de Blunt. Et dans ces conditions, les révélations tardives de Flora Solomon seraient à comprendre comme une manipulation réussie du contre-espionnage britannique. Thèse évidemment aventurée, thèse nullement prouvée, cette interrogation sur Lord Victor Rothschild donnerait peut-être, si elle devait un jour être confirmée, la clé de ce qui a fait la fortune de l'espionnage soviétique dans ces temps si sombres. Jamais une telle collection de personnages, les uns brillants, les autres fantasques, mais tous représentatifs de la haute société britannique, ne se seraient engagés aussi loin avec une puissance aussi distante de leurs intérêts véritables si, en réalité, l'Angleterre n'avait traversé dans les années 30 et 40 une crise indicible de violence dans laquelle les classes dirigeantes se sont livrées à une véritable vendetta réciproque, partisans de l'Allemagne contre adversaires farouches de celle-ci, qui ne trouvaient aucun saint à se vouer, sinon Staline, un saint dont on aurait peut-être aimé qu'il se soit passé. C'était « Histoire d'espionnage soviétique » par Alexandre Adler. Équipe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Serge Ristich, Julie Garraud, Brigitte Bouvier. Les 4e et 5e volets de la série des 10 histoires d'espionnage soviétique ont été diffusés pour la première fois les 24 et 25 août 2000 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter ces émissions à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Moonraker knows his dream.